suis posé. Juste dans le poteau, il me dit où l'un peu, il a déposé. Y'a le soleil, je suis tout bronzé. Tout l'après-midi, je suis allongé. Que calor, je fais que plonger. Problème épongé. Ah ouais, je m'écarte du danger. Pour d'en rester les mêmes quand l'ascenseur sera au rez-de-chaussée. Faudra pas venir tu fais après. Je vais quand on a, ouais, on reçoit. En recevant, c'est les jaloux que je déçois. Au sommet du game, je suis assis dessus. Je vais te mentir, l'inconnu, comment c'est décès. Eh, comment c'est décès. Eh. Je te froisse en fumette ou perché. T'as rien fait, me fais pas le mec recherché. Mets-toi mon niveau si tu veux me percher. Je vais te trouver moi si je descends te chercher. Je te froisse en fumette ou perché. T'as rien fait, me fais pas le mec recherché. Mets-toi mon niveau si tu veux me percher. Faire des accolades, faire des complots pour me niquer dans les chiffres. Pour en faire ce qu'ils veulent, la team ne leur mettra des gifles. J'fais confiance en l'être humain, maintenant les vrais potos, les comptes sur une. C'est moi que tu verras passer cet été, maillot d'épée sur le tunnel. J'donne un face aux petits qui font des TP au charbon. Et les mères qui crient du balcon. Les jeunes qui passent avec le R1 à fond. Bandit, bandit. J'vais te trouver moi si j'descends te chercher. J'te froisse en fumette ou perché. T'as rien fait, me fais pas le mec recherché. Mets-toi mon niveau si tu veux me percher. J'vais te trouver moi si j'descends te chercher. J'te froisse en fumette ou perché. T'as rien fait, me fais pas le mec recherché. Mon niveau si tu veux me percher. Laisse pas ton fils pour une femme. Ne laisse pas ta femme pour une folle. Pour une folle. Pour une folle. Vous voulez me l'enfer, je vais tous vous écraser. Tous vous écraser. De par qu'avec deux ça, peut-être tu feras moi le Robocop. Le Robocop. Le Robocop. Je vais te trouver moi si je descends te chercher. J'te froisse en fumette ou perché. T'as rien fait, me fais pas le mec recherché. Mets-toi mon niveau si tu veux me percher.